Chapitre 2. Lorsque Paluos se retrouva tout seul avec sa femme, une demi-heure après cette conversation, dans le coupé qui les ramenait, la fièvre de ce dialogue, si court mais si chargé pour lui de souvenirs et d'espérances, de regrets et de désirs, le brûlait encore. À cette impression d'enivrement, se joignait, pour l'augmenter, celle de la soudaineté de cet éclat. Une telle explosion de sentiments, et si violent, devait le laisser comme déconcerté, d'autant plus qu'elle était aussi imprévue qu'instantanée. Le trait principal du caractère de cet homme était une contradiction intime et radicale entre la vie qu'il avait menée et sa nature. Les grandes lignes assez nobles de son visage devaient à cette anomalie une physionomie tantôt exaltée et tantôt souffrante qui lui donnait un air de héros de roman, au lieu qu'il était tout simplement le descendant très représentatif d'une longue lignée de seigneurs terriens, un homme destiné par tout son tempérament à cette existence de château, à la fois primitive et conventionnelle, large et monotone, occupée et paresseuse. Le hasard avait voulu que, privé de son père tout jeune et maître de sa fortune, il vint à Paris, où sa sœur était mariée. Il s'était laissé prendre, comme beaucoup de ruraux, par cet attrait du mouvement qui leur fait paraître morne et insipide la régularité de la campagne. Très bien apparenté, très riche, avec une belle tournure, et une naturelle élégance de manière, il était entré aussitôt dans ce courant de la haute vie qui emporte vers la passion et ses orages tant de destinées faites pour la famille et l'habitude. Il avait eu plusieurs aventures. Sa liaison avec Madame de Séricourt avait été la plus flatteuse et la dernière. Pourtant, l'arrière-fond de l'hérédité était si fort chez lui qu'il n'était pas devenu un Parisien. Il n'en avait acquis ni les qualités d'aisance et de légèreté, ni la sécheresse positive. De même qu'il restait timide, parce qu'il se savait malgré tout un peu provincial, avec un air facilement altier, il était resté sensible et sincèrement épris de droiture, de rectitude et de loyauté, dans des situations aussi fausses que celles qu'il avait occupées 3 ans chez les Séricourt. Cela devait faire et faisait une âme obscure et trouble sous des dehors de calme et très incohérente, sous des apparences de force. Pour de tels hommes, le mariage, qui semble une sagesse, est en réalité une très dangereuse épreuve. Leurs complications déroutent la confiance, ils intimident leurs femmes par leur manque de transparence morale, et ils risquent d'arrêter à jamais chez elles l'élan spontané et l'expansion. Le silence appelle le silence comme la vérité appelle la vérité, et le silence produit naturellement le malentendu. Déjà, sans qu'il en eût reconnu la cause dans son propre caractère, Paluos sentait que sa femme ne lui était pas complètement intelligible. Il n'y avait jamais eu de scène entre eux, et ils ne vivaient pas cœur contre cœur. L'ayant épousée sans entraînement, moins encore par raison que sous l'influence de sa mère, il n'avait pas su voir que Cécile, elle, l'aimait profondément, passionnément, et qu'elle n'osait ni ne savait le lui dire. Il ne voyait pas non plus que depuis les 8 semaines qu'ils étaient à Paris, campés dans son ancien appartement de garçon et en train de préparer leur installation définitive, la mélancolie de la jeune femme s'accroissait chaque jour. Il n'est que juste d'y insister. Avant cette foudroyante surprise d'émotion qu'il avait ce soir fait parler à Madame de Séricourt comme il lui avait parlé, il n'avait jamais manqué ni en acte ni en discours à ce pacte d'honneur que le mariage représente toujours un homme élevé dans certains principes. Ce soir marquait donc pour lui une date ineffaçable, celle du premier parjure. Le rendez-vous demandé à son ancienne maîtresse et accordé par elle, dans ses termes, avec son regard, c'était l'infidélité, certaine, toute proche, déjà commise. Et le mari coupable en éprouvait le remords dans cette voiture où son bras frôlait le bras de sa femme, où il la sentait respirer, bouger, vivre. Ces sensations contradictoires se mélangeaient dans le plus violent tumulte intérieur. Ce brusque et irrésistible désir pour son ancienne maîtresse, la stupeur de l'éprouver si intensément et de l'avoir avoué si brutalement, l'appréhension du chemin où il venait de s'engager et son incapacité, il le sentait d'avance à s'en retirer. Quels événements, et qui faisaient courir dans ses veines le frisson de trop d'émotions passées. Il allait revivre, il revivait déjà toute son existence parisienne, dont il avait eu la nostalgie à son insu, après en avoir eu la lassitude. En même temps, il ne pouvait se défendre une véritable honte à se constater si déloyal et vis-à-vis de qui ? De cet enfant de 20 ans qui portait son nom, à laquelle il n'avait pas un reproche à faire, dont il avait pris la vie, et il allait la trahir. Il l'avait trahi. Tant de mouvements du cœur et de si passionnés le contraignaient de se taire. Comme s'il eût craint que même ses yeux dénonçassent ses pensées, il regardait machinalement, à travers la portière, les maisons closes profilaient leurs façades muettes sous le reflet des becs de gaz, les passants attardés en train de se hâter sur le trottoir, d'autres voitures venir en sens inverse. Il n'observait pas que sa compagne, après avoir essayé de lui poser quelques questions auxquelles il n'avait répondu que par des monosyllabes, le regardait avec des prunelles dont il aurait eu peur. Il ne s'y lisait que la plus craintive, la plus passionnée des supplications, mais une supplication si angoissée, si douloureuse, qu'elle supposait chez la jeune femme qui sentait ainsi la divination de son malheur. Jusqu'où ? Le coupé allait de la sorte, traversant au grand trot de son cheval ce vaste quartier de Paris qui sépare l'opéra de l'extrémité de la rue Saint-Dominique, pas très loin de la place des Invalides où habitaient momentanément les Paluots. L'absorption du jeune homme dans ses pensées avait été si entière qu'il éprouva presque le saisissement d'un somnambule réveillé par un choc. Lorsque était rentré dans l'antichambre et se préparant, comme il faisait d'habitude, à se retirer dans la pièce qu'il s'était réservée, son ancien cabinet de travail où on lui préparait chaque sur un lit, dissimulé le jour dans un canapé, sa femme lui dit d'une voix qu'il ne lui connaissait pas. « Maurice, j'ai à vous parler. Il faut absolument que je vous parle. » Il fut bien obligé de lever les yeux sur elle cette fois. Il vit qu'elle était pâle et tremblante. Il pensa qu'elle soupçonnait tout et il pâlit lui-même. Il essaya pourtant de plaisanter. « Il est tout près d'une heure, » répondit-il. « Il serait plus sage d'aller vous reposer. Nous aurons le temps de causer demain. »« Non, » dit-elle, « ce soir. Demain, je ne serai pas sûr d'avoir encore la force. Je l'ai maintenant. Je viens d'abord trop mal. Je vais renvoyer ma femme de chambre. Venez chez moi. » Il y avait dans cette imploration proférée à voix basse, pour que le valet de pied debout près de la porte d'entrée ne l'entendît pas, une telle ardeur. La physionomie de Cécile, d'ordinaire immobile et si aisément insignifiante, s'éclairait à cette seconde d'une telle flamme. Une si impérieuse volonté émanait d'elle que l'ancien amant de Madame de Séricourt n'eut plus de doute. Elle ne soupçonnait pas. Elle savait, il répondit. « Je serai chez vous dans un instant. » Il avait voulu s'accorder ce dernier répit pour se ressaisir et assurer son attitude dans une explication qui, au demeurant, ne pouvait porter que sur son passé. Évidemment, quelqu'un, ami ou parent, avait dénoncé à sa femme la liaison de ses dernières années de célibat. Une lettre anonyme avait dû être écrite. Cécile l'avait observée durant la soirée. Cet entretien en tête-à-tête dans le fond de la loge avait provoqué une crise de jalousie aiguë. Du coup, tous ces instants d'indépendance s'insurgèrent dans le jeune homme. Les 5 minutes qu'il passa dans sa chambre avant de se diriger vers celle de sa femme suffirent à changer l'équilibre si instable de son âme. S'il avait eu tout à l'heure dans la voiture un secret remords à l'idée de la trahir, quand il la croyait si naïvement confiante, cette jalousie devinée chez elle avait endurci soudain son orgueil d'homme. Et puis, ces petites impressions animales sont si étrangement déterminantes durant ces scènes d'intimité conjugale. Elle venait dans cette antichambre, quand elle l'avait interpellé ainsi, de lui paraître de nouveau, comme pendant la soirée, si gauche et si lourde, si engoncée par sa robe trop riche, si peu plaisante malgré sa jeunesse. Le masque de sang que la chaleur du théâtre lui avait mis aux joues et sur le front s'empourprait encore de son émotion nouvelle. Enfin, lorsqu'il se présenta devant elle, comme il l'avait promis, la plus sèche irritation nerveuse le dominait. Il était décidé à ne supporter aucun reproche. Dut cette première explication aboutir au départ de Cécile le lendemain. Le fantôme de sa délicieuse amie de l'autre année traversait de nouveau sa pensée et l'ensorcelait à distance. Il l'avait revue, en esprit, assis sur le divan de la loge, puis sur le canapé de damas rouge à côté de lui. Contre de tels souvenirs, que pouvaient les reproches qu'il lisait d'avance sur la bouche tremblante de l'épouse légitime, sinon lui donner cette horrible sensation de la chaîne qui paralyse tout chez l'homme, même la pitié. Il la trouva assise sur un fauteuil, les bras pendants, la tête abandonnée et qui pleurait. Elle lui fit signe de la main qu'il attendit, qu'elle allait lui parler, qu'elle ne pouvait pas en ce moment. Puis, quand elle se reprit enfin. Sa première phrase fut si différente de ce que prévoyait le mari, déjà plus d'à moitié perfide, qu'il en demeura immobile d'étonnement. « Je vous demande pardon, Maurice, » dit-elle. « Je viens de vous inquiéter, ce sont mes nerfs qui m'ont trahi. Je serai plus forte une autre fois. C'est ma faute. Si les choses sont comme elles sont, je le sais. Je sais qu'en me conduisant comme j'ai fait, je ne peux que les rendre pires. Mais il y a des moments où je suis trop misérable. » « Vous me parlez par énigme, » répondit-il. « Quelles sont ces choses dont vous vous plaignez? Quels sont ces moments où vous êtes si misérable et pourquoi ?»« Pourquoi ?» reprit-elle d'un accent accablé. « Tout à l'heure, je voulais vous le dire. Je m'en croyais la force. Je ne l'ai plus. Et à quoi bon ?»« Mais c'est moi qui veux que vous vous expliquiez maintenant, » insista-t-il. « J'ai le droit de savoir les raisons de l'état où je vous ai vu. » Après une hésitation, « Avez-vous quelques reproches à me faire ?»« À vous ?» répondit-elle et secouant sa tête plus douloureusement. « À vous ? Non ! Je vous le répète, la faute est à moi. »« Quelle faute ? » demanda-t-il de nouveau, et d'un accent d'impatience. « Mais parlez, parlez !»« Ah ! » fit-elle, « ne soyez pas dur pour moi. »« Eh bien, puisque vous l'exigez ?» et sa voix tremblait, « je parlerai. » « Ce que je voulais vous dire, c'est que vous ne devriez pas, vous, me laisser comme vous me laissez, sans conseil, sans appui. J'ai toujours su, quand je vous ai épousé, que je n'étais qu'une simple, et que j'aurais beaucoup de peine pour devenir pareille aux femmes de la société où vous avez vécu jusqu'ici. Mais je vous aimais. J'ai pensé que j'apprendrais, que j'arriverais. Si vous m'aviez un peu aidé, si j'avais pu vous demander, mais vous m'intimidez tant, tant... Pour que j'ose m'ouvrir à vous comme je le fais, il faut que j'aie peur de vous déplaire davantage encore en me taisant. C'est là toute ma misère, je vous l'ai dite, de ne pas savoir me faire aimer. Surtout depuis que nous sommes à Paris, je le sens, vous avez honte de moi. » Et se cachant le visage dans les mains, comme si réellement elle avait elle-même la conscience d'un opprobre mérité, elle redit, avec un grand sanglot, « Honte de moi !» Il y avait dans cette confession de la plus dure épreuve que puisse subir une jeune femme au début de son mariage une telle humilité, cette plainte, qui ne récriminait pas, qui ne se rebellait pas, qui gémissait seulement, correspondait si peu à l'attente de Maurice. Elle aggravait tellement sa faute de la soirée en lui prouvant combien celle qu'il trahissait était sans défense. Il en demeura un instant décontenancé, ému malgré lui par une si évidente sincérité. Saisi plus encore par la surprise devant l'être qui se révélait soudain. C'était comme si une autre créature se dégageait devant lui, de la Cécile qu'il connaissait. Une pâleur avait envahi son visage tandis qu'elle parlait. L'audace de son discours faisait refluer tout son sang à son cœur. La tension nerveuse l'avait redressée. La lourde toilette, si engoncée tout à l'heure, ne l'écrasait plus, tant elle était palpitante d'émotion. La gorge soulevée, la taille frémissante. Enfin, elle vivait par toutes ses fibres. Et cette intensité de vibration intérieure l'animait, la transfigurait. Si Palio eût été capable d'analyser froidement ces deux scènes si voisines, celle qu'il avait eue à l'opéra avec Madame de Séricourt et celle qu'il soutenait à présent, il aurait compris et mesuré quelle différence sépare une femme vraie et une femme coquette. La créature qui aime parce qu'elle aime, et celle qui joue la comédie du sentiment pour se faire aimer. Mais à cette minute, il ne raisonnait pas. Il avait pitié de Cécile, tout simplement, et pour la calmer, il lui disait « Moi, avoir honte de vous, voyons. Quand un mari a honte de sa femme, est-ce qu'il la présente partout comme je vous ai présenté? Est-ce qu'il se montre avec elle comme je me montre avec vous? Si j'avais honte de vous, comme vous dites, vous aurais-je conduite à l'opéra ce soir comme je vous y ai conduite? Oh, ce soir !» interrompit-elle, en lui prenant le bras qu'elle serra convulsivement. « Ce soir, ne me parlez pas de ce soir. Ça a été le plus dur de tous. N'essayez pas de me mentir. Je sais, vous êtes bon. Vous ne voulez pas vous avouer que vous rougissez de celle à qui vous avez donné votre nom. Mais si vous vous étiez vu pendant le spectacle, et votre regard quand il se posait sur moi, je vous voyais me comparer à Madame de Séricourt. Elle était si jolie et si élégante, si grande dame. Je comprenais si bien qu'à côté d'elle j'étais si gauche, si empruntée, Et pourtant, si vous saviez ce que j'avais fait pour vous plaire ce soir, j'avais remarqué que vous admiriez cette femme. Quand il s'agit de goût, c'est toujours le sien que vous citez. Lorsque j'ai su que nous allions à l'opéra avec elle l'autre semaine, j'ai fait appel à tout ce que j'ai de courage. Je suis allé chez elle, je lui ai parlé. Ne m'en veuillez pas. Je ne me suis pas plainte de vous, je n'en ai pas le droit. Je mourrais plutôt que de vous manquer ainsi. Mais vous ne pouvez pas trouver que je n'avais pas le droit de la prier de m'aider un peu, de me conseiller. Et vous avez fait cette démarche auprès d'elle ? Interrogea-t-il d'une voix si étrange qu'elle en eut peur. Comme vous me posez cette question ? Ah, vous voyez bien que j'ai tort de vous parler, que je vous déplais toujours, toujours, dans ce que je fais, dans ce que je dis, comme dans ce que je porte, toujours, toujours. Et que vous a répondu Madame de Séricourt ? Interrogea-t-il, sans paraître prendre garde à cette exclamation. Elle a été si bonne, dit Cécile, elle m'a promis de m'aider. Elle m'a aidé. Elle vous a aidé ? Demanda de nouveau Maurice. Alors, cette toilette que vous portez ce soir ? C'est elle qui me l'a choisie, reprit la jeune femme. Oui, c'est elle qui m'a conduite chez le couturier. Elle qui a décidé ma robe, ma coiffure, mes bijoux. Et voyez, comme tout est contre moi. Quand nous avons été sur le devant de la loge, j'ai senti qu'elle, qui a tant de goût pour elle-même, s'était trompée pour moi. Mais qu'est-il ? Que se passe-t-il ? Il se passait, qu'en l'écoutant raconter, avec cet accent découragé et passionné, sa touchante démarche et l'infâme manière dont l'autre en avait abusé, une révulsion violente et subite de son cœur avait bouleversé Palluau. Une grille posée sur une écriture secrète en éclaire soudain tout le sens. Certaines révélations sont cette grille. Palluau comprenait que son ancienne maîtresse s'était complue à savamment organiser ce soir cet écrasant contraste entre elle et Cécile. L'épouse légitime, et qui ne se savait pas trahie, s'était mise à la merci de sa rivale, et celle-ci en avait profité pour exercer sur elle, hypocritement et méchamment, la plus mesquine des vengeances. Mais poussée par quoi ? Elle n'avait pas su aimer Maurice autrefois, puisqu'elle l'avait laissé partir. Le retournant marié, et constatant, elle était si fine et Cécile l'avait été si naïve, que son ménage roulait déjà sur la route des malentendus, elle avait voulu mettre entre la femme et le mari quelque chose d'irréparable. Elle l'avait repris, quitte à le renvoyer de nouveau, plus tard, un foyer pour toujours renversé. Pourquoi encore ? La haine des femmes, qui ne sentent pas pour celles qui sentent vraiment, expliquait tout. De là sa scélératesse dans l'invention d'un procédé très misérable. Hélas, il avait trop bien réussi. De là les mots qu'elle avait prononcés dans l'arrière-fond de la loge, et son complice de jadis y avait cru. Et voici que la lumière se faisait en lui, éclatante, par une nouvelle comparaison que la subtile Clotilde n'avait pas su prévoir. Cette visite de la femme sincère chez la femme coquette, sublime de bonne foi, ne permettait pas le doute. Et Maurice était révolté d'une si hideuse ruse. Attendri jusqu'au plus intime de son âme par cette confidence de la femme amoureuse, sa femme, il sentit les larmes lui venir. Il la prit entre ses bras. Et il la serra contre son cœur avec passion, tandis qu'abandonnant sa tête sur l'épaule de son mari et perdue de ravissement, elle gémissait. Ah, tu me pardonnes. Ah, que je t'aime et que tu es bon de me laisser te le dire. Te pardonner, répondait-il, et il répéta. C'est toi qui me demandes de te pardonner. Jamais Madame de Séricourt ne comprendra pourquoi cet homme qu'elle a laissé si visiblement fou de passion à l'opéra n'est pas venu au rendez-vous qu'il lui avait lui-même demandé, ni par quel point de son caractère, elle le sait si faible, il a trouvé la force de quitter Paris sans l'avoir revue. C'est le seul de ses anciens amants, car la féline et souple personnaliste, dont elle parle avec un peu d'aigreur quand elle en parle, et encore, car elle a du goût, même dans la rancune, dit-elle simplement. Ce pauvre Palluau, il était bien agréable, mais quand on a épousé une telle sotte. Ainsi s'achève Fausse manœuvre par Paul Bourget.